comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil ou des doigts, et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les dossiers Alstom avec deux invités. D'abord, Mathieu Aron, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter et conseiller éditorial du magazine L'Obs, ancien directeur du service investigation de Radio France et directeur de la rédaction de France Inter. Vous avez écrit, avec Frédéric Pierucci, le livre intitulé Le piège américain. Et le sous-titre est important, les sous-titres sont souvent importants. L'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique témoigne. Livre paru chez Jean-Claude Attès en janvier dernier. Frédéric Pierucci est également avec nous, par téléphone à Berlin. Bonjour, vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous vois très bien. Parfait. Donc nous nous retrouvons dans quelques minutes. Vous êtes ancien président de la filiale chaudière d'Alstom et vous avez été arrêté à New York en avril 2013 par le FBI et poursuivi pour corruption. Ça a débouché sur 14 mois de prison et 2 ans de silence imposés plus tard. Vous vous spécialisez dans les questions de prévention de la corruption internationale. Car il s'agit bien là d'une guerre secrète que les États-Unis livrent à l'Europe en détournant le droit et la morale au passage pour les utiliser comme des armes économiques. La prise d'Alstom est l'une de ces batailles. Mathieu Aron, commençons déjà par ce livre. Comment vous est venue l'idée de cette investigation et plus précisément, quelle était votre intention éditoriale ? Au moment où Alstom a été racheté, ou en tout cas la partie énergie d'Alstom a été rachetée par GE, il y a plein de questions qui se sont posées. Il se trouve que assez rapidement, j'ai pu rencontrer Frédéric Pierucci et qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué ce que les cadres supérieurs et les dirigeants n'expliquent jamais. C'est-à-dire les dessous de cette guerre secrète dont vous parliez à l'instant. Mmh. Comment les États-Unis, ces dernières années, grâce à un outil absolument extraordinaire, qui est le droit, tout simplement le droit, arrivent à poursuivre les plus grandes entreprises européennes, françaises, mais aussi allemandes, anglaises, italiennes, et en réalité, il faut le dire, rackettent ces entreprises. Il les poursuit. À coup de procédure et d'amende. À coup de procédure, à coup d'amende. Et quand on parle d'amende, il faut bien savoir de quoi on parle. Astronomique. Ce sont des amendes absolument colossales. Nous, on a pu établir que ces dernières années, les grandes sociétés françaises avaient quand même payé 14 milliards d'euros d'amende aux Américains, au Trésor américain, tout simplement parce que les États-Unis estiment qu'ils sont devenus, en la matière, des gendarmes du monde et qu'ils peuvent poursuivre à peu près qui ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Mais pour être plus fort économiquement, c'est donc une arme économique qui passe par le droit, c'est un racket légal, mais dans racket, il y a quand même, d'un point de vue de la morale, quelque chose qui est moins légal, c'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps et en réalité, ces poursuites, elles obéissent à plusieurs buts. Il s'agit d'abord de faire rentrer tout simplement de l'argent dans le trésor américain, dans les caisses du trésor américain, parce qu'à coup de dizaines de milliards, ça fait quand même beaucoup d'argent, même quand c'est les États-Unis. Mais au-delà de ça, comme vous le disiez, il y a le souhait de déstabiliser les plus grands concurrents des grandes entreprises américaines et dans les secteurs les plus stratégiques. La preuve, là, notamment. Celui de l'énergie, celui des transports, celui des télécommunications. À chaque fois, on trouve les grandes sociétés européennes qui sont toujours poursuivies par les Américains dans ces domaines-là. Ça pose aussi la question de l'indépendance des pays. Parce que l'indépendance des pays, ça passe aussi par l'activité économique. D'autant plus, elle est stratégique, comme les transports. Comme le nucléaire. Ben c'est une vraie question parce que dans l'histoire Alstom, en rachetant la branche énergie d'Alstom, de fait, GE a pris le contrôle de toutes les turbines qui sont installées dans tous les réacteurs nucléaires français qui avaient été fabriqués par Alstom, les turbines Arabelle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que si un jour il y a des difficultés, des tensions entre les États-Unis et la France, il y a un moyen de pression considérable dans les mains des États-Unis. C'est déjà arrivé d'ailleurs, parce qu'en 2003, quand les États-Unis ont été furieux que la France ne s'engage pas à leur côté lors de la guerre en Irak, on sait, le chef d'état-major de l'armée française en a témoigné, que les Américains ont décidé de mettre un embargo sur les pièces de rechange de notre porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle. Et on sait que ça a eu un impact, ça a eu des effets. Donc on n'est pas dans quelque chose d'inimaginable, ça peut toujours arriver, ça peut d'autant plus arriver quand on a une administration américaine qui est celle qu'elle est aujourd'hui. Bien, on va donner la parole à Frédéric Pierucci. Alors, il y a votre arrestation, vous êtes donc à Berlin. Racontez-nous ces moments terribles que vous traversez en 2013 et pendant plusieurs années, accusé, arrêté et dans des conditions qui étaient des conditions dures. Je crois que vous étiez dans une prison de haute sécurité. Donc c'est une affaire qui mène jusque-là, racontez-nous. Oui, en fait, à l'époque, en 2013, on a un petit problème de liaison avec Allô Berlin. Voilà, là, je vous entends maintenant. Allez-y, Frédéric Pierucci. Oui, merci. Donc, en 2013, j'étais basé à Singapour et je venais tous les trois mois aux États-Unis. Et lors d'un de mes voyages en avril 2013, en arrivant à l'aéroport Kennedy à New York, j'ai été arrêté par le FBI, menotté à la porte de l'avion et emmené au siège du FBI. Et là, j'ai rencontré un procureur qui m'a signifié que Alstom était sous enquête du département de justice américain depuis plusieurs années, avait décidé de ne pas coopérer et qu'ils avaient perdu patience, que la cible était le PDG du groupe et qu'ils avaient décidé de m'arrêter et de remonter ensuite toutes les échelles de la fusée jusqu'à lui. Donc le procureur me propose de ne pas appeler mon entreprise, de ne pas appeler mon consulat et à demi-mot de jouer la taupe à l'intérieur d'Alstom pour pouvoir mettre en cause les dirigeants les plus élevés du groupe. Ce que je refuse, et à partir du moment où je refuse, 24 heures après, je suis envoyé dans une prison de haute sécurité, menotté aux pieds, aux torses, les mains, envoyé dans un fourgon blindé. Et là, j'arrive dans le Rhode Island, à Wyatt. Donc, il y a 4 nouveaux sécurités dans les prisons américaines. Problème. Oui, voilà, avec, maintenant, ça y est, on tape, oui. Avec les criminels de carrière, en fait. Ouais. Voilà. Donc, épisode extrêmement traumatisant, j'imagine, mais pourquoi vous ? Alors, pourquoi moi ? Décidément, nous avons des problèmes de liaison avec Berlin, Frédéric Pierucci. Alors, on va passer la parole à Mathieu Aron, le temps que la ligne se remette d'aplomb. Alors, peut-être, répondre à cette question, Mathieu Aron, puisque vous avez écrit le livre. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? On a l'impression que c'est les États-Unis d'Amérique contre lui. Oui, alors pourquoi lui ? Pour plusieurs raisons, il a commencé à l'expliquer, hein, Frédéric Pierucci. On arrête un cadre qui était un cadre de haut niveau hein, au sein d'Alstom, mais qui n'appartient pas au cercle des dirigeants. Et en fait, Frédéric Pierucci, dix ans plus tôt, alors qu'il était simple directeur commercial, avait été tenu au courant que pour obtenir un marché en Indonésie, en 2002, il y avait eu des pots de vin versés. Et ça, les Américains le savaient. Donc, il l'arrête, lui, sur la base de ce qui s'est passé 10 ans plus tôt en Indonésie, et ce, alors qu'ils savent parfaitement, et d'ailleurs, ils ne vont jamais lui reprocher, que Frédéric Pierucci, dans l'histoire, n'a pas touché un centime. Simplement, 10 ans plus tard, il est à un niveau plus élevé d'Alstom, et il est tout simplement utilisé comme un otage. C'est-à-dire que on envoie, en fait, un message aux dirigeants d'Alstom, à Patrick Cron, le PDG d'Alstom. Mmh. On vient d'arrêter Pierucci. Vous comprenez, monsieur Cron ? On a été jusqu'à arrêter monsieur Pierucci. Et d'ailleurs, après Frédéric Pierucci, on va en arrêter un deuxième qui est encore au-dessus de lui. Donc on se rapproche, étage par étage, du niveau de Patrick Cron. Et c'est véritablement une forme de pression qui est exercée sur le PDG. Depuis 2-3 ans, vous nous dites que vous coopérez avec nous. Vous vous moquez de nous. On voit que ce que vous nous envoyez comme éléments, ce ne sont pas de vrais éléments. Maintenant, vous allez coopérer. Maintenant, vous allez accepter de payer l'amende. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Et Patrick Cron va se retrouver en réalité totalement pris au piège, parce qu'il y a ces menaces de poursuite américaine qui pèsent sur son groupe, mais qui pèsent aussi sur lui personnellement. Mmh. Il y a un risque potentiel que lui aussi soit arrêté. Et cette amende qui grossit. À l'époque, on parle d'1,5 milliard. Bon, en réalité, cette amende sera fixée à 772 millions d'euros. Mais à l'époque, on parle même d'1,5 milliard. Donc, Patrick Cron doit faire avec ça. Et la meilleure solution qu'il trouve, finalement, c'est de se dire, tiens, il y a un concurrent américain. Et si je vendais au concurrent américain ? On va revenir aussi justement sur cette vente et la responsabilité réelle ou supposée du gouvernement. On va essayer de rejoindre Frédéric Pierucci à Berlin. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, je vous entends très bien, oui. Bien. Alors, vous qualifiez vous-même cette histoire de thriller ? Vous avez été dans, vous vous êtes retrouvé dans un thriller ? En fait, j'ai été pris en otage jusqu'au jour où le gouvernement français a décidé que c'était General Electric qui rachetait Alstom et non son concurrent allemand Siemens, parce que en fait, je devais être libéré au bout de 6 mois, ayant accepté de plaider coupable, mais en fait, je ne serai libéré qu'au bout de 14 mois, la semaine où le gouvernement français acceptera l'offre des Américains. Et donc, pendant toute cette période-là, j'ai vécu avec un gros point d'interrogation, ne sachant pas si j'allais être libéré, quand j'allais être libéré. Alors, je tiens à préciser que pendant cette période-là aussi, mon entreprise m'a licencié pour abandon de poste, alors que j'étais en prison aux États-Unis, arrêté de payer mes avocats. Donc, je me suis retrouvé, ainsi que ma famille, vraiment au fond du trou et seul à devoir me battre vis-à-vis des autorités américaines. Et pour vous reconstruire, si je puis employer ce terme, vous avez aussi décidé donc de tout raconter. Vous racontez tout avec Mathieu Aron. Il est arrivé un moment où vous vous êtes dit faut vraiment raconter ça. Oui, en fait, j'ai voulu raconter ça pour deux raisons. Première raison, pour expliquer à mes enfants où j'étais pendant 2 ans. Et pour laisser une trace, parce que ça a été très compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, pour la famille et notamment pour les enfants, de comprendre que leur papa était parti en prison pendant 2 ans. Et les raisons pour lesquelles leur père était parti en prison. Et la deuxième raison, c'est pour sensibiliser les cadres des grandes entreprises françaises, mais pas que les entreprises françaises, les entreprises européennes de manière générale, sur les risques qu'ils encourent, notamment dans des cas de corruption, même parfois très lointains. Dans l'affaire Alstom, je vous rappelle, les Américains sont remontés à 9-10 ans. Dans une affaire similaire chez Total, ils sont remontés à 15 à 18 ans. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de prescription sur ces sujets-là. Dans l'affaire Alstom, ils ont même arrêté 3 personnes qui étaient à la retraite depuis plusieurs années. Alors, sur le fond maintenant, vous restez avec nous en ligne, Frédéric Pierucci, bien sûr. On discute aussi avec Mathieu Aron. Alors, Patrick Cron, le PDG, a dit beaucoup de choses sur cette vente. Il a dit le pronostic vital était engagé. Et puis finalement, c'est bien de recentrer les activités sur la branche transport, un système de vases communicants. Il y en a un qui va pas bien, on fait porter les efforts sur l'autre. Il y a eu tellement de déclarations de Patrick Cron qu'on a du mal à faire le tri, Mathieu Aron. Comment s'y retrouver là-dedans ? Ben parce que je pense qu'il fallait quelque part justifier l'injustifiable, tout simplement. Donc vous avez commencé à l'expliquer. Quelques années avant la vente, et quelques mois je dirais même avant la vente, il était question en réalité, pour renflouer en tout cas la trésorerie d'Alstom, qui effectivement était quelque peu en difficulté, de vendre 20% de la branche transport aux Russes et de ne pas toucher à la branche énergie. Et puis, quelques mois plus tard, tout d'un coup, on vend toute la branche énergie. Et ça, à un moment donné, où Patrick Cron a toujours soutenu que comme les marchés des transports ou le marché de l'énergie étaient des activités cyclique, il fallait avoir les deux éléments, parce que si ça baissait dans les transports, on s'appuyait sur l'énergie, et si ça baissait dans l'énergie, on s'appuyait sur les transports. Et puis au moment de la vente, tout d'un coup, voilà, tout change, on change complètement d'explication, c'est pas du tout ça. Alstom n'aurait plus la taille critique. Ce qui est un argument quand même assez curieux, parce que en vendant l'énergie, parce qu'on est trop petit, on devient encore plus petit. Donc faut suivre Patrick Cron. Et puis à l'époque, Patrick Cron nous expliquait aussi que, de toute manière, en se centrant sur l'activité transport, on allait créer un géant qui vivrait sans aucun problème, qui ne connaîtrait pas de difficultés. On a vu très très très rapidement qu'en réalité, la branche transport, elle aussi, pouvait avoir des soucis, puisqu'il a été question après d'un rachat ou en tout cas d'un rapprochement avec Siemens. Donc on comprend bien que les dirigeants d'Alstom, et d'ailleurs aussi en partie les dirigeants français, mis devant le fait accompli. En réalité pris à la gorge par les Américains, ont dû trouver des explications pour expliquer ce qui en réalité ne pouvait pas être expliqué. Mais sommes-nous si faibles, Frédéric Pierucci, pour ne pas trouver de solution, pour ne pas tomber dans le piège des Américains ? Pour l'instant, il y a un début de réaction en France. Déjà, je pense que l'affaire Alstom a réveillé beaucoup de conscience. Il y a eu une première étape qui a été la création en France de la loi Sapin 2 qui permet en fait aux entreprises françaises et au gouvernement français de régler les affaires de corruption d'entreprises françaises en France et qui permet que les amendes éventuellement payées par les entreprises françaises soient payées au trésor français plutôt qu'au trésor américain. Donc cette loi date de fin 2016. Il y a une agence française anti-corruption qui a été mise en place. Parce que c'est vrai que les Américains avaient beau jeu de dire, écoutez, vous, Français, vous ne traitez pas la corruption de vos propres entreprises, donc on le fait à votre place. Là, maintenant, on a un cadre juridique qui permet de traiter ces affaires en France. Et donc, il y a quand même un espoir qu'il y ait un nouveau rééquilibrage de ces sanctions. Mais les États-Unis ne comprennent en fait que le rapport de force. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il y a 6 entreprises du CAC 40 qui ont payé des amendes colossales au ministère de la Justice américain pour des faits de corruption. Il y en aura encore à peu près autant et certaines stratégiques comme Airbus qui sont sous enquête, mais donc qui vont y passer. Donc ça fait quand même pratiquement 30% du CAC 40 qui soit y est déjà passé, soit va y passer. Ouais. Donc on est quand même très loin d'un rééquilibrage, mais il y a au moins un frémissement, en tout cas au niveau français. Au niveau européen, pour l'instant, il n'y a pas de réaction concertée des États au niveau européen pour qui serait vraiment le seul contrepoids possible des États-Unis. Mais oui, l'Europe, la vocation de l'Europe, entre autres, c'est justement de faire rempart, enfin dans une Europe idéale. Ce serait ça dans la postface du livre. Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE, dit, je le cite, confronté à cette logique impériale, donc on parle des États-Unis, hein, s'appuyant sur la puissance militaire, la légalité juridique et la capacité digitale, l'opposant n'a pas le choix, il doit se soumettre. Est-ce qu'on peut se soumettre à ce diktat, justement? Est-ce qu'il faut accepter ça, même si ce que Juillet dit est probablement vrai? Est-ce que, justement, tout l'effort à porter, c'est de ne pas accepter ça? Et comment? On ne peut pas accepter ça, mais si vous voulez, pour l'instant, on n'en a même pas conscience. Il y a déjà ce réveil des consciences qui a lieu actuellement. Maintenant, il faut passer à la prochaine étape. Donc la loi Sapin 2 est une première étape, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Alors, pour l'instant, on a certaines réponses qui sont sur, par exemple, la taxation des GAFAM, etc., d'autres sujets annexes qui font partie de la riposte générale vis-à-vis de cette extraterritorialité du droit américain, mais elle est encore très très faible. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Europe, on n'est pas unis là-dedans, parce que certains pays européens ont quand même des intérêts militaires et de défense de souveraineté qui sont très très liés aux États-Unis, à l'OTAN, etc. Donc c'est pas facile de trouver une coordination européenne. Ce qui serait important, c'est de commencer par une coordination franco-allemande, parce que les entreprises allemandes, c'est pour ça que je suis à Berlin aujourd'hui, par exemple, parce que les entreprises allemandes ont été aussi sanctionnées de manière extrêmement dure par les autorités américaines, même les sociétés anglaises. Donc, ce qui serait déjà un premier pas, ce serait une certaine coordination entre 2 ou 3 pays clés, les plus industrialisés et les plus attaqués par les États-Unis sur ce sujet. Dernière chose, ça va vite, hein, c'est presque la fin déjà. Mathieu Aron, quel regard peut-on porter sur la réaction du gouvernement français dans cette affaire? Alors, globalement, les autorités françaises ont laissé faire. Alors, au sein du gouvernement, tout le monde n'était pas d'accord. Et en particulier, il y avait un ministre, Arnaud Montebourg, qui s'est beaucoup intéressé, s'est beaucoup mobilisé sur cette affaire. Il a compris très vite ce qui se passait, ce qui était en jeu, ce qui se tramait. Il a essayé de s'opposer à Alstom, il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu. Les autres membres du gouvernement, président, premier ministre et successeur d'ailleurs d'Arnaud Montebourg ont laissé faire en réalité. Ont laissé faire en pensant que de toute façon, en l'occurrence, ils avaient été quelque part en partie pris de vitesse aussi par les poursuites américaines, le fait que Patrick Cron ne leur ait rien dit. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment, c'est ce qu'ils disent. Donc ils ont préféré laisser faire. Merci Frédéric Pierucci, donc vous étiez à Berlin, merci d'être intervenu. Merci Mathieu Aron, je rappelle le titre de ce livre, Le piège américain, et son sous-titre important, L'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique, témoigne, en l'occurrence Frédéric Pierucci, et c'est chez Jean-Claude Lattès, paru en janvier dernier. Merci messieurs, au revoir. Cette affaire sensible aujourd'hui, Alstom, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, et on le remercie, il y avait Arnaud Caillet.